Eh bien, les 8h10, c'est Annick Magny, elle est blogueuse et elle entretient le blog Mi Figue Mi Raisin. Bonjour Annick. Bonjour. Et aujourd'hui, on parle de sexe. Let's talk about sex. On a attiré l'attention de tout le monde. Vas-y, ma chère. Le monde s'est arrêté dans la mais il y a quand même un lien. C'est pas simplement pour parler de sexe. Ni semer la controverse, mais oui, c'est un sujet sérieux. On aime ça quand tu sèmes la controverse. Donc, je me suis intéressée au cas de la série Le sexe autour du monde parce que je considère vraiment que c'est une leçon d'histoire nouveau genre. Il y a une nouvelle saison là, qui est prévue très prochainement du sexe autour du monde à TV5. Oui, donc c'est prévu pour janvier 2013. Et je pense qu'il y a déjà des sur Internet, entre autres sur le site du sexe autour du monde, vous pouvez voir des extraits et des photos, ou sinon sur le site Facebook, la page Facebook de l'émission de télé aussi. Donc pour moi, le sexe autour du monde, c'est vraiment une immersion dans l'intimité de différentes cultures. Honnêtement, c'est vraiment une autre façon d'aborder la culture. Par voyeurisme, on pourrait dire aussi, ou par une curiosité innocente, on s'identifie beaucoup plus à des visages qui sont étrangers, donc à une autre culture. Personnellement, j'ai réalisé que les combats sociaux sont souvent les mêmes, sauf que on n'est pas tous à la même étape. Il faut l'avouer, là, dépendamment des pays, on se retrouve à différentes étapes selon nos combats sociaux. Et le sexe devient vraiment un outil de rapprochement parce qu'il est traité avec candeur et respect. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'émission, Le sexe autour du monde, c'est une série documentaire qui prend vraiment le temps de démystifier les habitudes sexuelles du commun du mortel à travers le monde. C'est animé par Philippe Desrosiers, qui est un réalisateur des Francs-Tireurs et également enseignant en psychologie à l'UDM, donc à l'Université de Montréal. Et la série, comme on l'a mentionné tout à l'heure, est diffusée sur les ondes de TV5 Canada. Et en ce moment, en attendant la nouvelle saison du sexe autour du monde, il y a une série avec Philippe Desrosiers sur les nightlife du monde entier. Alors, oui. Il se promène dans plusieurs villes. Et finalement, il y a une belle job, Philippe. Oui, c'est assez spécialisé. Hein? On se promène partout sur la planète. Oui, justement, j'ai eu le plaisir de le rencontrer, Philippe. C'est vraiment un être intéressant. Je dois dire que je trouve l'animation du sexe, je ne sais pas si tu as été témoin de l'émission, si tu l'as vu. Oui, à plusieurs reprises. Je trouve que ce qui est intéressant avec Philippe, c'est qu'il y a un côté un peu maladroit, distrait. C'est vraiment comme un touriste... Un peu innocent, mais en même temps qui met les gens à l'aise. Et ce qui rend l'émission aussi, ça ne crée pas de malaise par rapport à la sexualité, parce que justement, lui-même est tellement innocent et drôle et maladroit qu'on en oublie le côté un peu, pas controversé, là, mais tu sais, je veux dire, le sexe, c'est quand même quelque chose qui ne met pas tout le monde à l'aise de manière générale. Et surtout, les entrevues sont faites dans les chambres à coucher des invités, donc des intervenants dans le cadre de l'émission. Ça aussi, c'est quand même entre particulier. Entre autres, là, oui, c'est ça. Parce qu'on se promène un peu partout, université, boutique, sex shop, on se promène c'est vraiment partout, varié. Là. Puis, pour commencer, ce que Philippe m'a confié, c'est qu'à travers les voyages, il y avait beaucoup de préjugés au départ. Donc, comme n'importe qui se retrouve dans une culture étrangère, on a déjà des idées préconçues, des préjugés par rapport à cette culture-là qu'on va être introduit. Et en voyageant à travers les différents voyages pour les tournages, il s'est rendu compte que ces préjugés sont vraiment disparus. Au départ, par exemple, il y avait vraiment des préjugés par rapport au sexe alternatif, donc fétichisme, sadomasochisme, etc. Et il a développé une tolérance à travers les rencontres, parce que dans le cadre de l'émission, on rencontre plusieurs personnes qui sont justement attirées par ce type de pratique. Et il a développé une tolérance, il a compris un peu leur enjeu et leur attirance par rapport à ces jeux érotiques qui peuvent paraître un peu... quand on est à l'extérieur de marginal, ce cercle-là. Oui, qui peut paraître marginaux un peu. Et aussi, au départ, il n'associait pas sexy et musulmane, par exemple. Donc, lorsqu'il a voyagé au Liban, il s'est rendu compte que c'est quelque chose de possible de mixer un peu la religion avec quelque chose d'attirant. On pourrait dire qu'une femme qui est vraiment séduisante en même temps. Et même chose pour le Sénégal. Le Sénégal, qui est également un pays à majorité musulmans, les femmes sont habillées de manière extrêmement sexy quand même. Ils conservent leur identité africaine, je pourrais dire, donc avec beaucoup de motifs et tout. Et elles sont très sensuelles. Donc, c'est vraiment les préjugés qui ont réussi à diminuer par rapport à ces voyages-là. Et on parle beaucoup aussi de la perception familiale des relations sexuelles, oui, et les conflits entre les parents, les enfants. Je me souviens d'un épisode, notamment au Japon, où, bon, c'est pas nécessairement très bien vu, là, les enfants se cachent pour avoir des relations sexuelles. Oui, il y avait des hôtels qui étaient prévus à cet effet, donc les couples pouvaient se rencontrer dans les hôtels une heure ou deux pour pouvoir... Oui, parce qu'évidemment, à la maison, les gens restent à la maison très longtemps jusqu'à temps d'être mariés dans bien des cas, alors ça crée certains... disons que c'est difficile d'avoir un peu d'intimité avec son partenaire. Donc, finalement, l'émission nous apporte ou nous amène aussi à peut-être mieux comprendre... Les coutumes et les mœurs des Et coutumes. À Montréal, ne serait-ce qu'avec la grande communauté africaine, haïtienne et autres, parfois, ça pourrait justement nous amener à nous ouvrir un peu sur ces cultures-là, donc, qui ont peut-être des mœurs un peu différentes. Là. Oui. Justement, j'avais envie de vous parler d'exemples que j'ai trouvé vraiment pertinents dans le cadre de l'émission. Par exemple, en Allemagne, les aidants sexuels. J'ai trouvé que c'était une pratique qui est peu connue ici. Je pense que ça existe peut-être en Europe un peu plus et plus répandu. Donc, les gens qui ont vraiment besoin d'affection, on ne parle pas de prostitution, on parle vraiment d'aidants sexuels, donc pour des gens avec des maladies mentales, par exemple, ou des handicapés. J'ai trouvé la démarche vraiment intéressante. Ça pourrait peut-être inspirer nos autorités montréalaises. Oui, et en Corée du Sud aussi, c'est les plus grands consommateurs de pornographie au monde. Qui aurait cru que les Coréens sont les personnes qui consomment le plus de pornographie au monde? Je suis pas étonné. Ah non? En Asie, non. Écoute, c'est tellement populaire là-bas. Ah oui, mais j'aurais pas cru qu'en avec Corée... Avec Internet et... Oui, peut-être avec Internet, mais j'ai trouvé que c'était une facette nouvelle que j'apprenais de la Corée du Sud. Donc, alors, entre autres, oui. Oui, oui, vas-y. Je voulais simplement dire que je trouve que dans le cadre de cette émission-là, on découvre que le sexe est vraiment un outil de rapprochement. On apprend beaucoup plus sur les cultures, sur leurs mœurs, sur leurs coutumes. Et également, on développe le rapprochement devient intimiste, mais aussi on se rapproche juste d'une manière plus personnelle. Donc, on les humanise en même temps. On peut plus s'identifier à eux parce qu'on découvre leurs peurs, leurs craintes, leur réalité. Puis, bref, je trouve que c'est une bonne manière d'apprendre à comprendre et voyager aussi. Ouais. Merci beaucoup, Annick Mani. Et on le rappelle, donc, le sexe autour du monde, saison en janvier. Janvier 2013. C'est une deuxième ou troisième? Troisième saison. On est déjà rendu à une troisième. Troisième saison. Et au menu, Afrique du Sud, Indonésie et Mexique.